will shine. Notre vie c'est un truc de ouf, ça se lève le matin tôt pour vendre le shit à l'horizon mecton. Tu peux apercevoir une bande de flics, y'en a qui se font lever à 6h du mat. On les reverra peut-être dans 5 ans avec un sac et la trace d'une marque magique. Personne ne l'est, et encore moins Paris où est. Sachons se tenir, on a des cafards comme invités pour le dîner. J'rappe pas pour les mises et connards, on n'a pas les mêmes idées, dommage. J'ai juste prendre des pifs les dollars, j'suis pas un MC, j'suis de ces zonards qui rigolent toujours, qui vannent, qui cachent une souffrance hélas. Je viens de là où s'en sortant j'ai hâte et qu'on apprend à faire ses lattes. Et merde, j'suis trop feignant, j'sais pas si je vais pouvoir taper. C'est trop saignant, je voudrais à point, mais la violence nous a dépassés. On a tous une flamme dans le regard, y'a plus qu'à péter sa carreau avec un œil. T'as une pute dans le drap, ok ta meuf, tu l'appelles tout à l'heure. Mais bon, moi ma montre, il est, je sais pas, j'ai même pas de montre. Je peux peut-être continuer à dormir, non, faut continuer à dealer. Eh, hey, c'est pour les frères, le reste nique sa grand-mère. Le son est stène, et la croche, je vibre, et là je t'emmène. Là je t'emmène, là c'est pour les frères, les jolis, les moches, applaudissez. Baisse la police, impolie, la tête est alcoolisée. C'est pour les halal, les frères dans la haram, l'été devant le hall et l'hiver dans le bas. C'est pour les frères, les jolis, les moches, applaudissez. Baisse la police, impolie, la tête est alcoolisée. C'est pour les halal, les frères dans la haram, l'été devant le hall et l'hiver dans le bas. Certains appellent le 17, nous on travaille nos biceps. Quelques tractions entre deux, trois clics au ce que l'on visère. Un son qui glisse et en faut un, mais je le baisse en disant nique sa grand-mère. À ceux qui roulent sans permis, les mecs en perdent un spliff chargé en herbe. Tartonner, c'est flaque tout part, j'oublie pas tout le monde. Les mecs derrière les barbelés à cause de la poucave. Aïe, ce soir ça sent la pagaille. Monte le son, Bélec à ne pas avoir la barre. Je resterai hardcore, même dans des sons comme Ashui. Papi qui met Dark Vador, j'espère qu'à couler, je me défonce dans la street. Je pense à tous mes cassos qui galèrent, qui trim face au facho. Avec le tort de ne pas avoir la tête qui prie, je suis en mode éneutré. Très rares sont les moments de joie. Je vais palper le blé des macros. On fera ce qu'il faut dans le noir. C'est pour ceux qui sont droits, ceux qui font le mal pour le bien. Matin sous c'est les pailles, check, on se reverra peut-être pas demain. C'est pour les frères, les jolis, les moches, applaudissez. Baisse la police impolie, la tête est alcoolisée. C'est pour les halal, les frères dans la haram, l'été devant le hall et l'hiver dans le bas. C'est pour les frères, les jolis, les moches, applaudissez. Baisse la police impolie, la tête est alcoolisée. C'est pour les halal, les frères dans la haram, l'été devant le hall et l'hiver dans le bas. C'est pour les mecs du bitume, les frères qui t'étudient. Pour faire en clair les bitunes, et faut qu'on pète les fissures. Je me fous de plaire aux tribunes, nique vos petits tubes. Fous dans ma veste, ton dans la tête, tu verras bien que les titus. C'est pour les mecs du bitume, les frères qui t'étudient. Pour faire en clair les bitunes, et faut qu'on pète les fissures. Je me fous de plaire aux tribunes, nique vos petits tubes. Fous dans ma veste, ton dans la tête, tu verras bien que les titus. Ouais, c'est pour tous les mecs au ballon. Derrière les barreaux, elles vont s'évader. Pour tous les frères qui galèrent sur le bitume, ouais. Pour toutes les sœurs qui sont là, qui espèrent s'en sortir. Trim. Ouais. Pour Fasseur, petite dédicace, Spike, RKM, Pouce, c'est les pailles.